Les Jeux du Québec s'ouvrent à Alma dans quelques jours, soit vendredi, avec la cérémonie d'ouverture. Question de savoir un peu à quoi s'attendre. Bon, on va parler avec la nouvelle chef de mission de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Habituellement, on parlait avec Alexandre Allemand, mais là, Alexandre a un nouveau poste maintenant. Donc, c'est Stéphanie Martin qui remplace Alexandre Allemand et on lui parle. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Monsieur Dany, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Dites-moi, pour vous connaître davantage, puisque par les années passées, on parlait avec Alexandre Lallemand. Alexandre est maintenant rendu à Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc c'est vous qui prenez la relève. Comment vous trouvez ça? Eh bien, c'est sûr que ça fait seulement 3 mois que je suis en poste. Donc, lorsque je suis arrivée, mon premier défi, je vous dirais, c'était pas mal justement les Jeux du Québec. Ouais. Oui, c'est un gros dossier, je peux pas le cacher. Beaucoup de tâches à faire, malgré que c'est pas moi qui s'occupe de l'organisation des Jeux du Québec. Ouais. Là, je suis plus du côté de la délégation. Donc, oui, c'est un très beau défi. OK. Comment, est-ce que vraiment, là, est-ce que vous avez quand même de l'expérience dans le domaine des loisirs et ainsi de suite, ou c'est vraiment votre première expérience? Eh bien, anciennement, dans le fond, avant ce poste-là, j'étais technicienne en loisirs à l'école secondaire des Grandes-Marées à la Baie. Okay. Donc, je m'occupais déjà là des équipes sportives de mon école. Également, on veut pas, on fait également affaire avec les associations sportives de la région, même si on travaille au niveau scolaire. Donc, j'avais quand même déjà une belle vue d'ensemble là, des associations sportives qu'il y a dans notre région. OK. Là, le fait que c'est à Alma, est-ce que c'est plus d'ouvrages, moins d'ouvrages? J'imagine que c'est moins d'ouvrages parce que la place des Jeux, c'est à quelques mètres, pas quelques mètres, mais à peut-être 1 km vraiment là, Oui. des bureaux du regroupement sport et loisirs. Habituellement, il faut vous partir puis monter un kiosque et ainsi de suite. Là, le fait que c'est à peut-être 1 ou 2 km, j'imagine que c'est moins de travail. C'est sûr que je ne peux pas vraiment comparer puisque c'est la première fois là que j'y vais en tant que chef de mission. Cependant, ce que j'ai entendu dire, je vous dirais que c'est pas les mêmes tâches dans le sens que puisque l'organisation des Jeux est dans notre région, eh bien j'ai eu quelques appels là, téléphoniques me demandant certaines choses spécifiques qu'habituellement on ne fait pas. Exemple, okay. Je vous dirais trouver les porteurs de flambeaux. Quand c'est pas dans notre région, on n'a pas besoin de le faire. Également la fermentation des athlètes, exemple. Donc je vous dirais là que ou comme justement là dernièrement l'activité de financement qu'il y a eu lors de l'événement des Saguenayens, eh bien j'ai travaillé un petit peu là-dessus aussi. Donc c'est certaines tâches là qu'on fait pas habituellement quand c'est à l'extérieur de la région. Mais comme vous dites, puisque c'est à pas loin d'un kilomètre, eh bien, il y a d'autres choses qui sont plus faciles. Justement, on n'est pas obligé là de partir 12 heures à l'avance là pour arriver au lieu des Jeux. OK. Comment qu'on entrevoit? C'est quoi l'objectif maintenant de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean à ces Jeux? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire le fait que c'est ici? Ben, je vous dirais que il y a une pression supplémentaire dans le sens que je suis certaine que les entraîneurs et les athlètes ont des grosses attentes puisque c'est à la maison. Cependant, il faut regarder aussi le côté positif de la chose, c'est le fait que les athlètes et entraîneurs connaissent déjà les lieux, donc ont déjà une belle connaissance des équipements, également moins de transport, donc moins de fatigue pour l'arrivée au jeu. Fait que moi, je pense que ça peut être plus positif que négatif dans l'ensemble. OK. Donc, maintenant, du côté des... À quoi qui s'attend au niveau des médailles, l'objectif, c'est quoi? En frais de médailles, là, comme tel. Oui, donc, en frais de médailles, un instant, voir, j'ai comme perdu ma petite feuille que je m'étais faite. Voyons. Ah, OK, d'accord. Donc, nous, ce qu'on s'attend cette année, c'est un... 25 médailles. C'est à peu près comme les autres années. Médailles. C'est à peu près comme les autres années, hein? Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est certain que aux 2 ans comme ça, les athlètes qui ont exemple très bien performé en 2015, lorsqu'ils arrivent en 2017 comme cette année, souvent ils changent de catégorie, donc ils deviennent plus jeunes, tandis qu'en 2013 ils étaient plus vieux dans leur catégorie qu'on parle. Ouais. Donc c'est certain que bon, on regarde les athlètes qui reviennent, on regarde aussi leurs performances qu'ils ont fait dans les années antérieures, donc les entraîneurs aussi font des ont des objectifs. Donc nous on cumule tout ça là, puis ça donne à peu près là entre 25 médailles minimum et plus. OK. Donc en quoi, au hockey quoi, ou non, c'est en haltérophilie, en patinage de vitesse et en judo. Je vous dirais que c'est pas mal les 3 disciplines qui ressortent. Ouais. Cependant, on a quelques sports là, qui s'améliorent d'année en année, là, comme le ski de fond, comme le patinage artistique aussi. Donc, on va surveiller tout ça aussi. OK, OK. Dites-moi, patinage de vitesse, évidemment, c'est année après année, c'est toujours la même affaire. Là. Tu sais, l'équipe canadienne, t'as juste regardé en haut, puis l'équipe canadienne, c'est là, du côté des filles, c'est tout Saint-Lac-Saint-Jean. On pourrait dire Saint-Lac-Saint-Jean. Donc, pratiquement, oui. Pratiquement vous avez pareil. Raison. Donc, c'est pas surprenant là-dessus. Dites-moi maintenant, j'imagine que pour la salle de presse, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a une belle salle de presse qui a été aménagée? Hey, c'est une très bonne question. Okay. C'est vrai que c'est plus du côté... Oui, il faudrait que je regarde dans les informations, là, dans notre guide d'à peu près 300 pages. Non, c'était pages. Plus, la question était plus du côté, peut-être, de l'organisation des Jeux du Québec, quoi. Est-ce que vous avez travaillé... Oui, probable. Est-ce que vous avez travaillé Pardon? Beaucoup... est-ce que vous avez eu beaucoup à... On sait que c'est 2 organisations différentes, mais est-ce que vous avez eu à travailler quand même avec l'organisation des Jeux du Québec? Oui, comme je l'ai dit tantôt là, certaines occasions ils m'ont téléphoné là pour avoir des noms d'athlètes ou quelques idées là concernant l'activité des Saguenayens. Mais je vous dirais que en général là, l'organisation des Jeux Alma là, c'est numéro 1. S'ils ont oublié quelque chose, vous dire que personne n'aurait pu le deviner. Là. Okay. C'est ils ont très très bien travaillé, très belle équipe aussi d'ailleurs. Okay. Ben à partir de vendredi, parce qu'on va faire des reportages avec Stéphanie à partir de vendredi, et également Camille Girard, c'est ça? Oui, exactement. Bon, donc on va en parler dans quelques jours à partir de vendredi. On sera là tous les jours. Stéphanie Martin, un gros merci, évidemment on souhaite la meilleure des chances à l'équipe du Lac-Saint-Jean. Étant donné que c'est chez nous, c'est à 1 heure de route, donc oui. C'est habituellement c'était un petit peu ça, mais là c'est très très près. Ben merci beaucoup, passez par la côté de vendredi. Ben d'accord, merci beaucoup, puis on s'est au courant. Voilà, donc c'est Stéphanie Martin qui est la chef de mission de l'équipe du Lac-Saint-Jean.